Aux eaux vives, aux eaux vivants. Namoté ma maman ami, puis à Bissou, aux a toujours élombé, toujours ingenza, mon papa. Charles Robert Agbrepa. Je faisais manger mes enfants en faisant des photos. Et soudain, le plus petit me posa la question, papa, pourquoi tu ne nous montres jamais tes photos avec ton papa quand tu étais bébé? Je lui dis que mon papa n'était pas vraiment pauvre, mais il n'avait pas d'appareil. Je n'ai donc pas de photos avec mon papa bébé. Mon papa n'avait pas d'appareil photo. Toutes les photos de mon père, c'est dans mon cœur. Mon papa, c'est la loyauté, la dignité, la bravoure. Ah, papa. Non, yo comme mon bon écoloba. Antoine Yimba. Moteme moto yitumi bolingo. Kasi tusole yisangi komona papa. Papa Charles ki yo la kite. Liloba ya suka otikeli ngate. Kasi bolingo ezoloba. Kasi bolingo na yo eza toujours vivant. Pongi na ngai ekoma ya likukuma. Awa yo la li papa pongi pour toujours. Papa lotiki nga na pasi. Est-ce que vraiment papa bandi mama? Est-ce que vraiment papa tiki mama bien? Est-ce que vraiment mama mia koko kabiso? Sayo, sans rigere na yo. Lelo ya siminzete. Mpolo boko na yo ezate po asimbaye. Papa ye, ye, ye. Mawa iko makola na mama nzela tu. Papa, tiki na la nyongo ye. Papa, je te dois tout ye. Kela tiro baki Antoine kena tina suka ye. Mambo yo zalaka après bato a premier. Papa, je te dois tout ye. Nya molingi mpe mayele na mosala. Moto yo misona yito ni pinzoli. Kasi azomona se na miso ya motema. Kasi azomona se na miso ya memoire. Papa na ye oyo azate lisusu. Moto yango kombo na ye Antoine. Au revoir papa Titi. Au revoir papa Ritaso. Au revoir papa mama Rifa. Au revoir papa Chéri. Au revoir, papa de Sylvie. Au revoir, papa Moufaoué. Papa Charles Nginza. Ben Barek. Papa Yatouturoba. Johnny Naline Konzo. Antoine Makila Mabir. Mama Boutanga la Kisangani, papa la quitté. Kaka papa Antoine, la maman Alphonsine. Le Boko la Kitama toujours. Merci à papa. Mama tika kolela, sila to kolela. Prendi mi yo kadiristo na kolela. Kukona boyo kadel kiro mwenye wazalela Kukona boyo kasenze mzero lsazalela Koko na ye Papa kenda bia Tu dois rien à personne Ozala kina nyongo kaka ya didi Ulo nide Papa kenda bia Motema moto yo ito ni bolingo Kasi miso na ye zangi komuna Papa oyo la komisa yi moto Alor kaza la kina katia jardin Zete oyo me patan zete ya nanas Ele kake mona molai Oyo bomanga miso ye Oyo bomanga mato ye Quando eu tomo uma mamãe, minha zolela. E se vinga que o papai o que não louvou com naio O coquí com somba meto e a motuia Casi o cococa com somba mpongite Ata usando a montre e a olo O coca com somba tangote Mosolono até liki a Donald Trump O coca com somba cagaliwate Mon père é merveilleux Mon père c'est l'étoile du jour, le bouclier Le père de la paix. Makeleli vraiment. Makeleli. Moto yo motema na ye tundi bolingo. Kasi miso na ye zangi komo na papa. Oya yunai. Papa otiki nara pasi. Mama nye ye tika no kolela ye. Mama nye ye si maka kanjete. Ata isa tena douce e louco, já papa chalai, com la vie, papa iê, com la vie, papa, com la vie, papa.